J'aimerais écrire un album, les doigts couverts de pisse, et ma mère a installé une nouvelle douche. J'aimerais écrire un album, dénué de toute fille, mais Floriane et Sarah ne font que me parler. J'aimerais écrire un album sans argent et au chômage, mais on m'embauche chaque fois après chaque entretien. J'aimerais écrire un album sans aucun projet qui m'attend, mais j'ai toujours un concert, des fomblards qui arrivent. J'aimerais écrire un album sans talent, sans mélodie, mais toujours toutes ces musiques qui sortent de mon esprit. J'aimerais être malheureux, mais j'ai toujours de la chance. J'aimerais être malheureux, mais j'ai toujours de la chance. J'aimerais être malheureux, mais j'ai toujours de la chance.